pour un bref rappel, la République Centrafrique a été le gouvernement de Bozizé a été renversé par la CEDECA. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, donc les actions sont perturbées depuis déjà plusieurs années. Mais le gouvernement a été renversé en mars dernier et maintenant plusieurs pogroms, plusieurs assassinats, plusieurs viols sont commis. Et maintenant, la France, après plusieurs mois de silence, a décidé d'intervenir. Donc, ils cherchent aussi à avoir une résolution des Nations Unies pour intervenir. Donc voilà, donc c'est ça pour ce soir. Donc, il y a une dizaine de jours, Paris, par son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a brandi le spectre d'un génocide en République Centrafrique. Du côté de Washington, par le biais de son responsable du département d'État, qui a qualifié la situation de pré-génocidaire, et certains commentateurs n'hésitent même pas pour évoquer les douloureux souvenirs du Rwanda des années 90, juste pour vous dire que la situation est quand même désastreuse. Jusqu'à présent, plusieurs médias y font état de guerres interreligieuses, interconfessionnelles, entre chrétiens du Sud et musulmans du Nord. D'où vient la CEDECA, par ailleurs? Parce que donc la CEDECA, qui est une coalition de rebelles qui s'agite depuis au moins 2006 au nord de la Centrafrique, qui a pour chef Michel Djotodia, et c'est lui qui a renversé avec son équipe le président Bozizé, le président, puis maintenant Michel Djotodia est actuellement le président de la transition. Même s'il faut relativiser, il faut toutefois quand même admettre que la déstabilisation toujours plus grandissante de la sous-région inquiète. Encore, il faut-il comprendre les enjeux, les objectifs des différents protagonistes sans pour autant occulter le désastre humanitaire qui se profile depuis un moment déjà. On veut sûrement pas nier les exactions et les pogroms de ces derniers mois, mais quand même, cette annonce n'est pas sans rapport avec les acteurs qui comptent intervenir militairement dans la région. Aussi, on s'est demandé, bon, est-ce que ce génocide, ces appels au génocide sont une réalité ou un subterfuge pour justifier une intervention militaire? Mais là, on se pose même pas la question. La question primordiale à se poser maintenant, c'est qui fomente quoi et pourquoi, pour mieux comprendre, car à l'intérieur, les médias relatent souvent les conflits interconfessionnels, mais ils nous éclairent pas sur les différents enjeux et les différents acteurs dans ce conflit. Donc, on reviendra un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est confirmé, la France s'agite depuis un moment. Mais officiellement, elle annonce qu'elle enverra 1000 militaires en sol centrafricain, en République Centrafrique, en plus des effectifs qu'elle a déjà en place, car on doit rappeler que la RCA est un pays pivot du dispositif de la France-Afrique, qui est reconnu pour sa situation géostratégique pour les intérêts français. La RCA est placée au cœur de l'Afrique. La France, il y a une base militaire, il y a plusieurs bases militaires, dont des accords de défense depuis les indépendances, depuis les années 60. Aussi, elle y maintient une base de détachement de son armée à Boilly, où l'armée française y assure notamment la sécurité des ressortissants français de la région, l'aéroport quand même, des endroits stratégiques et les fameux sites d'extraction d'uranium, notamment extraits par Areva, une transnationale française. Aussi provenant de la même région, au nord-est, on y trouve une autre base militaire, dont un autre détachement français à Birao, au nord-est, région de laquelle provient aussi plusieurs membres qui se revendiquent de la CEDECA. Donc, ça c'est pour la France. De son côté, Washington a débloqué du Congrès 40 millions de dollars pour les forces de l'Union africaine, la MISCA. Donc, cette mission doit commencer à intervenir à partir normalement de demain. Donc, c'est la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, selon le secrétaire général d'État américain John Kerry. Et je le cite, les États-Unis ne voient aucun indice laissant penser que le gouvernement transitoire en RCA a la capacité ou la volonté politique de mettre un terme à la violence. Donc, voilà pour ce qui est des États-Unis et de la France qui ont mis quand même un certain temps avant de réagir. Cette force africaine sera composée entre autres de Camerounais, de Tchadiens, Congolais et de Gabonais, des ressortissants des pays limitrophes de la RCA. C'est à se demander si cette mission sera aussi efficace qu'on le pense, puisque vu que c'est des pays limitrophes, ils ont tous un peu à voir dans ce conflit ou du moins dans la déstabilisation de la région. Mais bon, on aura l'occasion de s'en reparler un peu plus tard. Cette force va compter jusqu'à 3500 militaires et devrait être officiellement déployée au plus tard le 19 décembre prochain. La France prépare une résolution pour la mettre sous mandat de l'ONU. D'ailleurs, elle a pris le 1er décembre dernier, donc tout récemment, dimanche, la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mois. Et quand même, c'est un fait qu'on doit faire remarquer, le Tchad, un de ses principaux principaux protagonistes dans cette situation, a obtenu un siège en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc à la fin novembre, donc quelques semaines, quelques jours avant que la France assure la présidence au Conseil des Nations Unies. Des casques bleus pourront prendre le relais, mais pas avant un moment, du moins pas avant une période de 6 mois, ce qui semble être le modus operandi privilégié par l'impérialisme. On en voit un peu comme la Libye, là. On envoie l'OTAN et du coup après on se cherche des mandats aux Nations Unies pour légitimer un peu l'action d'intervention. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore rendu là. Il faut rappeler quelques faits. Il y a près d'un an, Bozizé, président déchu de la Centrafrique, a été renversé par la Séléka, un groupe disparate de rebelles, comme j'avais déjà mentionné, du Nord, vraisemblablement appuyé par le Tchad, avec le précieux concours de la France, n'est-ce pas? Donc, Bozizé a appelé ses parrains, particulièrement la France, qui règne en maître depuis le simulacre d'indépendance de la Centrafrique en 1960, où plusieurs dictateurs y sont placés, déplacés au gré des intérêts et humeurs de la France, par la France-Afrique, notamment les Bokassa, les Patassé, Bozizé dernièrement et j'en passe. Rappelons aussi que le dispositif de la France-Afrique, donc ce réseau occulte politico-affairiste, politico-affairiste, mafieux, on ne sait plus trop comment les appeler, une espèce de réseau parallèle pour garder le contrôle sur l'Afrique, sur ses ressources et maintenir les intérêts de la France et de ses industries est loin de s'épuiser. Hein. Il y a eu des Sarkozy a annoncé que c'était terminé pour la France-Afrique, Hollande a dit que bon, lui aussi c'était terminé, mais au contraire, comme l'a déjà mentionné Aziz Sall sur les ondes, on fait face à plusieurs France-Afrique, tant de la gauche que de la droite française. Et dans le cas qui nous concerne, celle du legs de Sarkozy et celle qui tente de se repositionner depuis l'élection de Hollande, président, l'actuel président français. Depuis plus d'un an, une espèce de silence assourdissant de la France, notamment. Mais derrière ce silence, il faut surtout pas confondre avec inaction, parce que la France et les États-Unis multiplient les tractations pour décider du sort de la France-Afrique, de la Centrafrique, la RCA, de la République Centrafrique. Avant le coup d'État par la Séléka, le 24 mars dernier, à Bangui, un accord quand même assez fragile a été conclu à Libreville, au Gabon, en janvier de cette année, et où on a tenté de former un gouvernement d'union nationale. C'est un mode désormais privilégié là, qu'on a vu aussi au Kenya, au Zimbabwe. Là, la communauté internationale impérialiste privilégie toujours ce mode de résolution de problèmes et que finalement, ça ne tient jamais la route, n'est-ce pas? Les antagonistes sont trop forts. Ce qu'il faut comprendre, ce sont les Tchadiens d'Idriss Déby. Donc, Idriss Déby, le président du Tchad, donc aussi la France, qui sont à l'arrière de la Séléka. Ils ont été d'ailleurs aussi à l'arrière de Bozizé en 2003, quand ils ont placé Bozizé comme président de la Centrafrique. La France n'a pas du tout aimé. Une des raisons pour laquelle on pense que, bon, que la France n'a pas agi, et même qui a encouragé ces rebelles à s'allier ensemble, notamment aussi avec le Tchad, surtout le Tchad, c'est que la France n'a pas du tout aimé le rapprochement avec les BRICS particulièrement. Elle n'a pas du tout aimé le fait que les manœuvres de Bozizé, entre autres, ces liens de plus en plus étroits avec la Chine, mais aussi ses liens avec l'Afrique du Sud, qui dispose entre autres d'une expertise en extraction des diamants. Et la Centrafrique est riche en diamants. Et en plus de vouloir refaire les codes miniers, Bozizé a conclu un contrat de défense avec l'Afrique du Sud de 5 ans dans la chasse gardée de la France. Donc on peut voir que la France n'était pas très très heureuse de ce double jeu de Bozizé, ce qui a pu amener à son renversement. La RCA, en plus de son positionnement géostratégique, est immensément riche en uranium, en diamants, en pétrole, comme on l'a déjà précisé, en or, mais dont la population n'a jamais vu les fruits de ses richesses. La RCA est positionnée au 180e rang sur 186 de l'indice de développement humain, Le taux d'espérance de vie est à peine de 49 ans et le taux de scolarisation est quand même assez faible, relativement faible. Aussi, elle dispose de très peu d'infrastructures pour les richesses dont elle dispose. Donc, elle fait face vraiment à une situation catastrophique. Maintenant, c'est un État sans État, n'est-ce pas? Et bon, la RCA s'est très peu occupée de sa population et possède très peu de personnel qualifié. L'essentiel du personnel sont des professionnels qui proviennent des pays limitrophes, notamment du Cameroun, du moins entre autres, dont plusieurs professionnels œuvrent au sein même de l'appareil d'État. Comment ce chaos s'est-il installé à une si grande échelle? On peut se poser la question. Quelques mois après le coup d'État où l'armée régulière centrafricaine n'a pas su résister à la CELECA. Cette coalition n'est pas un groupe homogène, ça on est d'accord, c'est vraiment une coalition. Et plusieurs insatisfactions se sont fait sentir, notamment sur la redistribution de la rente après le renversement de Bozizé en mars dernier. Donc il y a aussi les milices issues de l'armée régulière qui n'ont pas digéré la transition des accords de Libreville et qui n'ont toujours pas intégré l'armée du gouvernement de transition. Donc des frustrations, des pro-Bozizé qui sont toujours pas intégrés, qui se rassemblent en milices. Il y a aussi des voyous qui profitent de l'instabilité pour piller et pour causer toutes ces exactions. Ils sont pas les seuls à en profiter. Il faut aussi rappeler qu'ils sont pas les seuls à profiter des désastres humanitaires. Les transnationales aussi sont maîtres pour profiter de cette déstabilisation et déplacement de population pour accélérer le pillage des ressources en toute impunité, donc puisque l'autorité n'y est plus. À cette heure, on compte plus de 600 000 déplacés, autant à l'intérieur de la République Centrafrique que dans les pays voisins. Donc le Tchad, le Congo, le Gabon, le Cameroun, la France, les États-Unis, l'Afrique du Sud, ça fait beaucoup d'acteurs dans cette crise. Donc la crise en RCA est un immense jeu d'alliances et d'intérêts qui sont inextricables, qui se nouent et se dénouent en le temps de le dire. Et en toile de fond, la CELECA, qui est elle-même déchirée au sein de sa propre coalition, et le Tchad qui joue double jeu finalement dans cette situation. Il faut se rappeler que le Tchad et la France ont installé Bozizé en 2003, alors que maintenant, après un exil au Cameroun et en France, suite à son renversement en mars dernier, Bozizé s'est récemment réfugié en Afrique de l'Est. La question qu'il faut se poser est le plus troublant dans tout ça, avec cette annonce d'intervention par la France, c'est pour qui la France interviendra dans tout ça. Une chose certaine, les Centrafricains vont sûrement applaudir la venue des Français, mais on ne sait pas à quel prix, hein, n'est-ce pas? La France espère faire adopter au Conseil des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, son projet de résolution sur la crise en Centrafrique au plus tard demain, donc jeudi le 5 décembre. Il est prévu que le général Francisco Soriano, qui était aussi en Afghanistan, qui est donc un général d'expérience, a pris la tête de l'opération française en Centrafrique. Et cette opération sera baptisée Sangari, du nom d'un papillon rouge qu'on retrouve dans les forêts de la Centrafricaine. Et le général dirige actuellement des forces françaises au Gabon. Donc la France était au final déjà bien installée dans la région. Et voilà. Donc voilà pour l'instant. On va voir maintenant, à partir de demain, finalement, comment les choses vont se passer. Mais rien de très réjouissant pour la Centrafrique. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, Lydia Trouche, pour cette analyse. C'est beaucoup apprécié. Puis on compte sur toi de revenir bientôt avec le suivi. Et j'y serai. Okay. Je vous souhaite une bonne émission. Bonne soirée. Merci, allez, au revoir. Vous êtes à l'écoute de Manla, Sécurité 90,3 FM. Et we'll be back with the English section in just one moment.